le son. C'est K2. J'ai trop la haine en moi. Pourquoi tu fais pleurer ta maman? Tu fais la caïra, mais t'es rien pour moi. Yo, petit frère, fais pas pleurer de maman. Ou je te nique en rentrant pourtant. J'ai trop la haine en moi. Pourquoi tu fais pleurer maman? J'ai ta nez là et tu chies sur toi. Pourquoi tu fais pleurer maman? Regarde, c'est pas la peine de faire sur toi, c'est que moi t'inquiète. J'suis pas la faucheuse, mais la déchiqueteuse, couilla. J'ai trop la haine en moi, pourquoi vole pas ça? Tu vas encore faire pleurer maman, rouilla. Pourquoi tu fais ça? Si tu veux du pain, donne ton assiette. Fais pas ta tapette, j'ai trop la haine en moi. Pourquoi tu fais pleurer maman, rouilla? T'es une pute ou quoi? Fais pas chialer maman. Tu fais le grand et là je te vois craquer. Mais moi, j'ai trop la haine en moi. Pourquoi tu fais pleurer maman, rouilla? T'as quoi? Je dois m'occuper de toi, c'est ça. Mais moi, tu sais, j'ai trop la haine en moi. Pourquoi tu fais pleurer maman, rouilla? Tu sais, si elle aurait pas été là, ben toi, tu serais pas là. Pourtant, tu claques la porte, à peine commencé, toi t'as déjà vexé. Noir ou blanc, c'est pareil pour moi, rouilla. Je te promets que je vais te surveiller. Pourtant, j'ai trop la haine en moi. Rouilla, monte le son, c'était K2 au mic.